Pour nous payer, allez. Derrière nos malis, famille à Tifila. prêt fait comme ça. Moi, tout le monde se joint guitare. Aujourd'hui, moi, presque, patient, fait pivoté. Pas oublier, moi, t'es lourd. Sur un même musique, t'as là. Travail, travail, guitare, la moule, fait pleurer ça. Mais j'en dis, il pas trop tard. Se parer en nous aller. Mais où toujours derrière. Si bien ou qui chercher. Et puis, ou pas trop pressé. Bon, je ne pas fâché, bon. N'est-ce la gratte et guitare. Dit ding dong ding dong. L'argent qu'on fait. doudou mandé ça au besoin. Franchement parler moins pas gêné moins. On dit doudou moins j'alla six souliers. En bel auto pour acheter bon moins. Coucher six plages et tous les soirs restaurant boîte de nuit. Le dimanche et promenade en bateau. On pousse à bicyclette, nous à moto. La journée nous qu'a couché six plages et tous les soirs restaurants boîte de nuit. Le dimanche et promenade en bateau, en course à bicyclette nous à moto. Quoi? mer des Antilles, qui tandis que le soleil brille, reçoit sous ses belles plages les belles femmes de tout âge. Si l'on n'a pas envie d'être sage, on peut courtiser à la nage, on peut flirter à la nage, on peut tout faire à la nage. Oh, les belles plages, il y a de l'ombrage le long des rivages. Ce sont des parages pour les petits partages. Oh, les belles plages pour les bavardages des maris volages. Oh, les belles plages qui ont de leur cage retrouvent leur ramage. Que nous offre le paysage, le sable, les vagues, les coquillages, qui font un vrai remue-ménage. C'est marrant ce genre de tapage, on dirait une scène de ménage. J'aime bien ces plages, j'aime tant ces plages. J'aime bien ces plages, j'aime tant ces plages. J'aime bien ces plages, j'aime tant ces plages. Thank you. semble chanter. Chercher d'autres musiciens, mais trouver Roger qui te suit. Orchestre à nous former, nous démarrer. Musique, nous c'est à nous. Le vivre avec grand mal, comment c'est sorti. Rouler, rouler comme rouler. Thank you. Salut. vi mwen, la vi mwen. Lè nan la pen sa vou mwen ka sonje, ka sonje. Ou sa ve bien sel ki tout bonheur a mwen, bonheur a mwen. Sa vou pou mwen la vi pa ni konsan, pa ni konsan. Sel vi chéri sel ki tout la vi mwen, la vi mwen. Lè nan la pen sa vou mwen ka sonje, ka sonje. Sylvie, chérie, faut pas patient.